crime, faisant une usine. D'autres font taper des mots par des dactylos. Certains traînent, s'entraînent à quelques combines. D'autres ont baissé les bras, finissent dans le caniveau. Certains cherchent encore une épouse via une copine. D'autres en ont assez ras-le-bol et deviennent homo. Certaines s'éteignent et ne vivent que pour leur gamine. D'autres font la fête à donc, s'éclatent à gogo. Certaines se téléphonent alors qu'elles sont voisines. D'autres côte à côte, impossible de sortir un mot. Certains c'est la coca donc les amphétamines. D'autres perdent la tête et deviennent parano. Certains accomplissent leurs rêves et leurs vitamines. D'autres c'est la routine, métro, boulot, dodo. Certains se réveillent dès que le jour s'illumine. D'autres se couchent tard, incapables de se lever tôt. Certaines partent à la chasse, tirent à la carabine. D'autres militent pour la défense des animaux. Certaines passent leur journée à faire du shopping. D'autres piquent la caisse et détalent vite fait en merco. Certains dévorent et sont aussi fins qu'une épine. D'autres n'avalent presque rien et prennent par kilo. Certains se remettent à Dieu en sa bonté divine. D'autres sont plus volontaires pour les missions commando. À croire qu'il faut tenter, tester, oser tout essayer. Pas mourir idiot, à croire qu'il faut tenter, tester, oser tout essayer. Ne pas mourir idiot, à croire qu'il faut tenter, tester, oser tout essayer. Pas mourir idiot, à croire qu'il faut tenter, tester, oser tout essayer. Ne pas mourir idiot. Certains vivent à huit dans une cuisine. D'autres sont en couple et résident dans un château. Certaines ne sont pas douées, pas trop du genre maligne. D'autres sont fuitées, prêtes à mener en bateau. Certaines familles n'ont rien à manger, crient famine. D'autres élaborent des petits plats pour finir au resto. Certaines sont propres, claires et nettes, tout est clean. D'autres le sont moins, recto verso, plutôt crado. Certains pensent pour la montée d'adrénaline. D'autres sont loisirs, athlètes du cerveau. Certaines bien dénudées laissent apparaître leur string. D'autres sont voilées, rien à voir de bas en haut. Certains dialoguent avant de se trouver sur un ring. D'autres parlent avec les poings, discutent quand t'es KO. Certains au moral à deux balles nous bassinent. D'autres sont plus tolérants, acceptent tes défauts. Certaines se détestent, se font faire du morphing. D'autres s'en contentent, se sentent bien dans leur peau. Certains naissent désirent être féminines. D'autres sont des femmes mais ne sont pas hétéros. Certaines sont douces, sensibles et picalines. D'autres sont plus hard du domaine sadomaso. Certains jamais n'oublieront leurs racines. D'autres prennent les devants et repartent à zéro. À croire qu'il faut tenter, tester, oser tout essayer. Pas mourir idiot, à croire qu'il faut tenter, tester, oser tout essayer. Ne pas mourir idiot, à croire qu'il faut tenter, tester, oser tout essayer. Pas mourir idiot, à croire qu'il faut tenter, tester, oser tout essayer. Ne pas mourir idiot.